Penseras-tu encore à moi? Quand je m'en irai, me regretteras-tu? Je voulais de ce sentiment qui fait chavirer l'âme et le cœur. Je voulais de ce désir qui anime les corps. J'attendais ce mot qui n'est pas venu. Ne pars pas, je voulais t'entendre. Reverras-tu tous ces moments quand je ne serai plus là? Tu manqueras. Je voulais de cet amour qui n'arrive pas souvent. Je voulais de ce bonheur qu'on partage à deux. J'attendais ce mot qui n'est pas venu. Excuse-moi, j'aimerais. Dans ses pensées, si tu regrettes un peu ce que l'on était, rejoins-moi dans ma réalité. Peut-être là, on n'est plus séparés. Qui n'est pas venu? Ne pars pas, j'aimerais t'entendre. J'attendais ce mot qui n'est pas venu.